To go, I'll be dying slowly till the next hello. If you go away, if you go away, if you go away. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. If you go away as I know you must, there is nothing left in this world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. And I'd be in the shadow, oh, your shadow, if you might have kept me your sight. I'll understand, leave me just enough love to hold in my hand. Please don't go away.